La diligence de Ploermel, écrit par Catrel et Eugène Courboin, lu par Armen pour audiocité.net. Quatre fariniers du village d'Elven en Bretagne traversaient, toujours courant, la lande de Monteneuf. La lande était couverte de genêts aux fleurs d'or, de bruyères aux fleurs roses, de digitales pourprées, de bouillons blancs, de ronces et d'aubépines, sans compter que la terre était feutrée d'une belle herbe épaisse, étoilée de pâquerettes, mouchetée de violettes et pointillée de muguets. Les quatre fariniers du village d'Elven ne prêtaient aucune attention à toutes ces merveilles. Ils couraient à perdre haleine, comme si les 500 000 diables d'enfer eussent été à leur trousse. Dans chaque massif, des oiseaux chantaient. Sur chaque buisson, des papillons battaient de l'aile. Le soleil égayait toutes choses. Sous ses caresses, la vieille tour d'Elven, qui achevait de crouler dans le beau mitant de la lande, paraissait rajeunie. Les quatre fariniers du village d'Elven galopaient, entourés d'un nuage de farine, écrasant les violettes sous leurs gros souliers ferrés, sans se demander si, d'aventure, Dieu n'aurait pas à les recommencer. Ils étaient vêtus de blanc depuis les talons jusqu'au chapeau, comme de vrais francs fariniers qu'ils étaient. Leur course folle mettait tout en émoi sur la lande. Les oiseaux, les papillons, les insectes s'envolaient en tremblant devant eux. Les troupeaux, effarouchés, cessaient de tondre l'herbe, levaient le nez, soufflaient et prenaient la fuite, tandis que les chiens, le poil hérissé, jappant à plein gosier, se mettaient sur la défensive. Tout au haut de la tour d'Elven, les corbeaux les regardaient surpris. Et il n'était pas de ces corbeaux qu'un rien surprend, les corbeaux de la tour d'Elven. C'étaient de vénérables personnages, presque tous sortis de l'œuf au temps où Georges Cadoudal, suivi de 150 Morbihanais, s'en allait à Fougères rejoindre l'armée royale. Il y a un siècle de cela, sans qu'il y paraisse. Où donc allaient ainsi, toujours courant, les quatre fariniers du village d'Elven? Ils allaient attendre au passage la diligence de Ploermel qui, tous les matins, hiver comme été, à 8 heures moins quelques minutes, passe sur la route nationale. Et il était 7h40. Eh, farinier, sans vous commander, pourquoi courez-vous ainsi vers Ploermel? Est-ce sa belle église paroissiale qui vous attire? Sa belle église aux vitraux sans pareil et sa tour du 12e siècle? Sans ralentir le pas, le premier farinier a répondu non. C'est donc son bel étang aux eaux limpides, son bel étang que traverse le Buc, un ruisseau charmant? À son tour, sans reprendre haleine, le second farinier a répondu non. C'est donc la forêt de Brocéliande, où rôde l'enchanteur Merlin, prisonnier de Viviane, ou le Val sans retour, la fontaine de Barenton peut-être. Le troisième farinier, haussant les épaules et secouant la tête, a répondu non. Vous voulez revoir les fortifications de Ploermel, saccagées par Charles VIII, par François II, par le duc de Mercœur, par... Nous prenez-vous donc pour des innocents? Nous allons au marché, mon bel ami, vendre notre farine et acheter du grain pour nos moulins. Lorsqu'ils arrivèrent sur le bord de la route, la diligence passait. Ils étaient si essoufflés, les fariniers, qu'ils durent s'y mettre tous les quatre pour crier Hé, hey, Kernewot, as-tu quatre places à nous donner pour Ploermel ? Le cocher arrêta ses bêtes, mit pied à terre, fit le tour de la diligence et, ouvrant la portière de derrière, répondit « À votre service, les fariniers, j'ai juste quatre places dans la rotonde. » Radieux comme un soleil levant, le premier farinier s'élança dans la voiture, mais il en descendit plus vite qu'il n'y était monté, le visage long d'une aune, en murmurant « Il n'y a pas moyen de voyager là-dedans !» Le second farinier mit à son tour le nez à la portière, et il recula épouvanté. « Saint du paradis ! » s'écria-t-il, « la voiture est pleine de singes, si ce n'est pire !» Le troisième farinier regarda de loin le contenu de la voiture et il poussa un « Oh !» de stupéfaction. Le quatrième en fit autant, seulement ce fut un « Jésus-Marie » qu'il proféra. Et il y avait de quoi. La rotonde contenait quatre charbonniers grands et dodus, noirs comme de l'encre, quatre charbonniers du village de Malestroit, en Bretagne. Pour voyager à l'aise, ils avaient accaparé les quatre coins. « Qu'est-ce donc qui vous arrête, les fariniers ? » demanda le conducteur. « Pourquoi ne voulez-vous pas monter ? Votre patache est pleine de charbonniers. Votre patache est pleine de charbonniers. On n'admet pas des gens pareils dans les voitures publiques. » On n'admet pas des gens pareils dans les voitures publiques. Voyez, nous nous sommes fait beaux pour la circonstance. Nous nous sommes fait beaux pour la circonstance. Ces charbonniers de malheur vont noircir nos beaux habits blancs. Ces fariniers maudits vont blanchir nos beaux habits noirs, s'écria un des voyageurs de la rotonde qui mit le nez à la portière. Ils vont salir nos beaux habits noirs, s'écria un second charbonnier. « Voyez, nous nous sommes fait beaux pour la circonstance. Laissez sur la chaussée ces merles blancs. Avec ces museaux de fiévreux, il sied bien de faire les difficiles. » En entendant cela, la moutarde monta aux quatre nez des quatre fariniers du village d'Elven. « Ils se seront levés la tête en bas, dit l'aîné de la bande. On leur aura ciré le visage, croyant faire reluire leurs escarpins. Regardez-moi ces quatre pierrots, reprit le cadet des charbonniers. Ils auront vendu à Noël leur sang au charcutier. Le boudin ne devait pas être cher à Elven cet hiver. Descendez donc, les charbonniers, si vous avez dans le cœur pour deux sous de courage. Qu'on voit si vous êtes aussi noir dessous que dessus. Si ce n'est pas la peur qui vous rend blême, montez plutôt dans la rotonde, les fariniers. On vous y fera tant de noir sur la face qu'on vous prendra très certainement à Ploermel pour quatre nègres du Congo, en retard pour leur première communion. Montez si le cœur vous en dit. » Les voyageurs du coupé et ceux de l'impérial, de graves personnages, comme vous allez voir, perdirent patience et mirent pied à terre. Les trois voyageurs du coupé n'étaient rien moins que monsieur l'accusateur public, monsieur le substitut de l'accusateur public et monsieur le substitut du substitut de l'accusateur public. Les trois voyageurs de l'impérial étaient monsieur le professeur de chant des sourds-muets de Saint-Malo, monsieur le professeur d'escrime de l'Académie nationale des aveugles de Quimperlé et monsieur le professeur de natation de l'école laïque et obligatoire des culs-de-jatte de Concarneau. Messieurs les magistrats étaient impatients d'arriver à Ploermel, où se jugeait une affaire aussi compliquée que ténébreuse. Il s'agissait, si j'ai bonne mémoire, d'un capitaine de frégate que son unique héritière, une enfant de 10 mois, avait étranglé. « Montez les fariniers et que cela finisse !» disaient les magistrats de fort mauvaise humeur. Descendez, les charbonniers, nous n'entendons pas rester sur la grande route, vociféraient les professeurs. Nous descendrons si ça nous plaît, dirent les charbonniers de Malestroit en passant à la portière leurs quatre faces noires. Nous monterons si cela nous convient, dirent à leur tour les fariniers du village d'Elven en menaçant du poing les magistrats. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ce n'est pas vous qui nous ferez la loi. Êtes-vous disposés à vous laisser traiter comme cela, vous, les fariniers? Nous prenez-vous pour des poules mouillées? À la bonne heure, nous descendons. À vous, les gens du coupé. À vous, les gens de l'impérial. Dépêchez-vous, messieurs, criait le conducteur qui, par prudence, avait regagné son siège. Faites vite, je n'ai pas de temps à perdre. La mêlée devint générale. En moins de rien, les magistrats mordirent la poussière du fossé de droite et les professeurs la poussière du fossé de gauche. « Vous êtes de bons enfants, les fariniers, dirent les charbonniers. Vous allez monter dans la rotonde. À condition que vous accepterez, en arrivant, une tournée de cidre en bouteille au chat sans puce qu'est notre auberge. Volontiers, mais vous viderez avec nous chacun un pichet, à la morue inconsolable qu'est notre restaurant. Refuser serait une offense, et nous sommes bien vos serviteurs. Topez là, ça y est, prenez vos coins, les charbonniers. Nous n'en ferons rien. Nous de même, ce sera pour vous obliger. » Vainqueurs et vaincus prirent place dans la voiture, et la diligence de Ploermel partit au galop. Dans la rotonde, chaque chaos faisait voler un nuage de farine et un nuage de charbon. Tout y était prétexte à accolade. « Vous vous appelez Jean? C'est ça qui est drôle, moi aussi !» Et on se serrait la main. « Vous êtes marié? En voilà un hasard, moi aussi !» Et on se serrait la main. « Parions que vous avez des enfants, comme s'il en pleuvait, des garçons ?» Moi aussi. Des filles, moi aussi. Des garçons et des filles, moi aussi. Et vos vaches vont bien? Vous êtes bien honnêtes, je vous remercie. Et tout le monde se serrait les mains à tour de bras. Au bout d'un quart d'heure, on eût dit que les charbonniers avaient des gants blancs et les fariniers des gants noirs. Il y avait 6 cabarets sur le bord de la route. La diligence de Ploermel s'arrêta 6 fois. Personne n'osait se plaindre, ni sur l'impérial, ni dans le coupé. Au coq sans queue, les charbonniers payèrent à boire aux fariniers, et quand de vrais francs charbonniers payent à boire, tout le monde vous dira que ce n'est pas pour rire. Au repos de la côte, les fariniers rendirent aux charbonniers leur politesse, et Dieu sait si les fariniers le cèdent en rien aux charbonniers, surtout dans un cas semblable. Au soleil levant, on offrit un cognac au conducteur. À l'écrevisse nationale, on invita les voyageurs du coupé à payer une bouteille, à cette fin de prouver qu'ils n'avaient pas de rancune. Monsieur l'accusateur public s'exécuta de bonne grâce. Il offrit un joli petit vin du cru qui vous avait un goût d'estragon à ravigoter un cataleptique. Monsieur le substitut de l'accusateur public fit largesse avec un château Montmartre exquis, année de la comète. Je ne pourrais pas préciser quelle était cette comète, par exemple. Monsieur le substitut du substitut de l'accusateur public abreuva ses compagnons de cidre mousseux à 10 sous la bouteille, verre compris. Auprès de ce cidre-là, le champagne n'est que de la petite bière. Au rendez-vous des bons lurons, les voyageurs de la rotonde permirent aux voyageurs de l'impérial de les rafraîchir, histoire de leur prouver que tout était oublié. Monsieur le professeur de chant des sourds-muets de Saint-Malo offrit le café et le gloria. Monsieur le professeur d'escrime de l'Académie nationale des jeunes aveugles de Quimperlé se réserva le pousse-café et la rincette. Monsieur le professeur de natation de l'école laïque des culs de jatte de Concarneau, la rinsurette et la rinsurelurette. Aux portes de la ville, les 14 voyageurs et le conducteur burent, avant de se séparer, le coup de l'étrier. Il était 3 heures quand la diligence entra dans Ploërmel. Du marché, il ne restait plus trace. Le tribunal avait rendu son arrêt. Et voilà comment les 4 fariniers du village d'Elven, si blancs à l'aube, comment les 4 charbonniers de Malestroit, si noirs au jour levant, étaient tous gris le soir. Il faut prendre garde à qui l'on se frotte.